Chapitre 14. Madame de Camparennes souffrait depuis plusieurs années d'une affection hépatique qui, en ces jours de décembre, prit tout à coup un caractère plus sérieux. Sur le conseil du médecin, elle renonça à aller passer 3 mois à Cannes ainsi qu'elle l'avait projeté. Il lui fallait un régime sévère et beaucoup de tranquillité, ce qu'elle n'aurait pu trouver à l'hôtel. Comme elle se sentait affaiblie et craignait la souffrance, elle s'y résigna sans trop de bonne grâce. Par contre, Gemma en éprouva un soulagement, car elle appréhendait cette absence. La santé de Mao l'inquiétait de plus en plus. Le docteur Gendre parlait d'anémie. En fait, il semblait ne pas trop savoir à quoi attribuer cette faiblesse, ces vertiges, un manque total d'appétit, un sommeil agité, traversé de rêves affreux, d'où la jeune femme sortait anéantie, baignée de sueur. Maintenant, elle ne semblait plus désireuse de distraction. À part quelques périodes d'excitation fébrile, elle restait étendue sur sa chaise longue, presque toujours inactive. Lionel l'entourait d'attention, veillait à ce que la femme de chambre lui donnât exactement les remèdes ordonnés par le médecin. Mao semblait réconcilié avec son mari, ne se plaignait plus de lui. Gemma devait reconnaître qu'on ne pouvait maintenant rien lui reprocher. Pourquoi donc éprouvait-elle cette impression si pénible, dont elle ne définissait pas la nature, quand elle le voyait près de sa sœur? Un soir, où elle était restée quelque temps près de Mao, qui s'était retiré plus tôt chez elle à cause d'un fort mal de tête, Gemma, en regagnant sa chambre, rencontra Aurélie qui venait de faire coucher les petites filles. La mulâtresse demanda « Madame Mao va-t-elle un peu mieux, mademoiselle ?»« Non, pas du tout. Voici maintenant qu'elle souffre de maux de tête. Et cette faiblesse m'inquiète de plus en plus. » C'est comme Madame Juliette, comme Miss Shepherd. La voix d'Aurélie était basse, un peu tremblante. Que dites-vous ? Gemma, un peu saisie, regardait la femme de chambre qui baissait les yeux avec embarras, tandis que ses lèvres hésitaient à répondre. Que dites-vous, Aurélie ? C'est peut-être une idée à moi, mais il me semble que la maladie de Madame Juliette a commencé comme cela, et celle de l'Anglaise aussi. « Oh !» murmura Gemma. Tout à coup, l'angoisse lui serra le cœur. Et les médecins n'ont jamais pu savoir ce que c'était pour toutes les deux, acheva Aurélie de la même voix troublée. Déjà, Gemma se reprenait. « Le docteur Gendre parle d'anémie. Ce doit être cela, en effet. Il reviendra ces jours-ci et j'espère qu'il trouvera le moyen de la remonter. Bonsoir, Aurélie. » « Bonsoir, mademoiselle. Oui, c'est certainement de l'anémie et ça se guérit très bien. » Gemma ne dormit guère cette nuit-là. Ce que venait de lui dire Aurélie ne quittait pas son esprit. Cette femme remarquait chez Mao les mêmes symptômes que chez Juliette, que chez la jeune Anglaise, jolie fille blonde dont Lionel s'était occupé plus que de raison, d'après certaines réflexions faites par Joyce, précoce observatrice. De ces troublantes coïncidences, que conclure ? Coïncidence fortuite, certainement. Il ne manquait pas de cas sur lesquels les médecins hésitaient à donner un diagnostic. D'ailleurs, Lionel et sa grand-mère avaient parlé de demander en consultation un réputé praticien de Nice. Celui-ci y verrait peut-être plus clair en la circonstance. Gemma essayait ainsi d'écarter la sourde angoisse qu'elle ressentait depuis quelque temps et que les remarques d'Aurélie venaient de rendre plus sensible. Elle n'y avait guère réussi quand, dans la matinée, elle se rendit chez Mao pour prendre de ses nouvelles. Elle la trouva levée, étendue sur sa chaise longue. Son visage parut à Gemma plus creusé, son teint un peu jauni. Cependant, elle déclara se sentir mieux que la veille. Sur une table, près d'elle, se trouvait la corbeille de fleurs préparée par les soins de Lionel qu'on venait de lui apporter. Elle prit la rose Cynthia et enfouit ses narines. « Quel parfum ! On ne peut se lasser de le respirer ! Sans cela, Gemma !» Elle tendait la rose à sa sœur. celle-ci respira la senteur subtile d'une douceur enivrante. Elle ne ressemblait à nul autre qu'elle connût. « Tu ne devrais pas garder cette fleur près de toi, Mao. Ce parfum suffirait à te donner des maux de tête. »« Oh non, je me sens mieux, au contraire, après l'avoir respirée, plus légère, un peu grisée. Je l'aime, ma rose, et son parfum me manquerait. » Gemma insista encore, mais elle se heurta à l'obstination bien connue de sa sœur. En la quittant, elle alla s'habiller pour faire avec Auberte une promenade dans les jardins. Les beaux parterres, les fontaines et les bassins de marbre disparaissaient sous la neige. Les bois environnants n'étaient plus que blancheur glacée. Sur les hauts monts, couverts de leurs manteaux immaculés, le soleil d'hiver étendait sa discrète lumière. « Que c'est beau !» dit la douce voix d'Auberte. Elle avait mis son bras sous celui de Gemma et levé sur sa compagne un visage légèrement rosé. « J'aime la neige. Maman l'aimait aussi, m'a dit un jour Aurélie. » C'était la première fois qu'elle parlait de sa mère. Ce cœur fermé semblait s'ouvrir un peu pour Gemma depuis quelque temps. « Eh bien, vous n'en manquez pas par ici, ma chérie, » dit Gemma en s'efforçant de prendre un ton enjoué. « J'avoue que, pour mon compte, je trouve sa vue un peu écrasante, à la longue, et monotone aussi. « Pas moi. Quand je serai plus grande, je ferai du ski. L'oncle Salvatore m'apprendra. Il est revenu hier, l'oncle Salvatore. Vous le saviez, mademoiselle ?» Oui, Gemma l'avait entendu dire la veille au dîner. Le jeune homme avait été passer une quinzaine de jours à Beuil, où des amis à lui se trouvaient pour les sports d'hiver. Sans rien s'en rendre compte, Gemma avait ressenti le vide de sa présence presque quotidienne depuis quelque temps dans la bibliothèque au cours des après-midi. « Mademoiselle, entrons voir les fleurs, voulez-vous ? » demanda Auberte. Elle se trouvait près de la serre. Gemma acquiesça et elles pénétrèrent dans la tiède atmosphère humide qui fit courir en elle un frisson de bien-être. Le vieux jardinier qui travaillait là les salua et Gemma échangea en italien quelques mots avec lui. Auberte parcourait les étroites allées, s'arrêtait devant les plantes rares qui lui plaisaient. Gemma la rejoignit devant le fameux rosé Cynthia. « Comme elles sont bonnes, mademoiselle !» Son petit nez frémissait encore de plaisir. Gemma se pencha machinalement pour aspirer l'odeur de la rose. L'arôme en était délicat, un peu vanillé, mais n'avait rien de commun avec celui de la fleur semblable que Mao lui avait fait sentir tout à l'heure. Elle en fit la remarque au jardinier. Il la regarda d'un air surpris. « Elles ont toutes le même parfum, mademoiselle. Je le sais bien, car je me donne le plaisir de les sentir chaque fois que j'en cueille une. » « Pourtant, c'était si différent, » murmura Gemma. En rentrant au château, elle trouva une lettre de sa mère à qui elle avait écrit pour l'informer du mauvais état de santé de Mao. Madame d'Orquier se répandait en phrases banales où il était un peu question de sa fille, mais beaucoup plus elle-même, mal portante aussi, disait-elle. Gemma soupira. Elle n'avait personne à qui confier la sourde inquiétude qu'elle sentait grandir en elle. Personne. La fière, loyale physionomie de Salvatore se présenta à son esprit. Oui, à lui, elle aurait pu confier son tourment s'il avait été son parent. Peut-être même l'aurait-elle fait quand même si elle avait pu lui parler seule à seule. Mais elle ne le voyait que dans la bibliothèque, avec M. de Camparène présent, ou, plus rarement, quand il venait dîner au château. Les jours suivants, Mao parut se remettre un peu. Puis, de nouveau, les maux de tête reparurent et une plus grande lassitude. Le médecin, appelé en consultation, parut aussi dérouté que son confrère. Il prescrivit une analyse du sang qui ne donna aucune indication. Lionel montrait maintenant une grande inquiétude. Il dit un jour à Gemma, en quittant avec elle la chambre de Mao, « Vais-je donc aussi la perdre, ma bien-aimée Mao ? Ce serait une malédiction. » « Oui, une étrange malédiction !» répliqua Gemma, dont la voix tremblait. Il leva les yeux sur elle et elle vit, l'espace d'une seconde, l'allure trouble de son regard. « Non, non, nous la sauverons, nous la garderons. Ne vous tourmentez pas, Gemma !» Elle ne répondit rien et le quitta brusquement. Devant cet homme, de plus en plus, elle éprouvait une répulsion invincible et il n'était pas jusqu'à ses attentions, ses caressantes paroles à l'égard de Mao, qui ne lui inspirassent une secrète colère. Comme elle atteignait le palier du second étage, une porte entrebâillée, celle de la chambre de Zora, s'ouvrit tout à fait. La naine appela à mi-voix « Mademoiselle !» Gemma s'approcha. Zora, enveloppée dans une robe de velours jaune, la dévisageait à sa manière habituelle. « Elle est plus malade, la Madame Mao ?»« Oui, » dit brièvement Gemma. La grande bouche de Zora s'étira en une sorte de rictus. « Ha ha ! Elle aussi ! Mais vous, vous êtes bonne ! Alors, je vais vous dire, jetez la belle rose qui tue !» Avant que Gemma eût pu prononcer un mot, la naine se recula et ferma violemment sa porte. Gemma resta un moment stupéfaite. Que racontait-elle, cette étrange créature ? De quoi voulait-elle parler ? Puis la jeune fille leva les épaules. Cette Zora avait le cerveau un peu dérangé. Il n'y avait pas lieu d'accorder d'attention à ses propos décousus. Gemma rentra chez elle et, peu après, gagna la bibliothèque pour essayer d'oublier, dans le travail, l'inquiétude qui s'insinuait en elle de plus en plus, depuis surtout qu'elle savait, par Aurélie, que pour Juliette et la jeune Anglaise, s'étaient présentés les mêmes symptômes existants chez Mao et que les médecins n'avaient pu également donner un nom à cette maladie.